Bismillahirrahmanirrahim. Dans le dernier diaf, nous avons pris que les gens de la Sunna appellent à tout ce qui apporte une réforme pour la société. Et que cela est bénéfique pour les musulmans en premier lieu, mais même pour les mécréants si jamais ils voulaient le réaliser, si jamais ils l'admettaient. Mais au-delà de cela, ils combattent les gens qui sont les plus à même d'apporter la paix, la sécurité dans leur pays. Wallahu musta'an. Par contre, une chose que je mets en attention, c'est que tout ce que l'on cite là, qu'on a cité comme point de la darwa, de la sunna, et ce qui viendra par la suite, on ne dit pas que chaque sunni salafi agit de la sorte, forcément. On dit que là, on parle de la darwa. Maintenant, parmi les gens de la sunna, mais évidemment, nous sommes des êtres humains avec des manquements, avec des écarts, des faiblesses. Et certains même d'entre nous sont amenés des fois à transgresser ces points cités. Et cependant, le sunni salafi, lorsqu'on lui rappelle, il délaisse, il se repent et il rattrape l'erreur qu'il a commise. L'erreur particulière et la plus dangereuse, la plus critique, c'est de justifier l'erreur commise après qu'elle celle-ci fut éclaircie, que tu fais une erreur clairement, après de suivre les passions et voire pire encore, de rendre cela comme étant une chose légiférée qui appelle un bien en religion. Et cela est une voie qui mène à la bid'a. D'accord ? Qu'une personne ait commis une erreur, après on lui rappelle son erreur, et malgré cela, il persiste dans son erreur, c'est-à-dire que là, il suit ses passions, et en plus de cela, il dit qu'il prend son erreur comme étant un moyen de faire da'wa mesalen, ou de vouloir apporter un bien à l'islam. Et ça, c'est un mot de l'égarement, dans lequel sont tombés beaucoup de prédicateurs, malheureusement. Wallah musta'an. Nas'al Allah al-thabat. Après, il dit, alors, le bab al-jadid, force al-jadid, الداعيه السني يبدا بنفسه نقطه مهمه جدا que le prédicateur sunni commence par lui-même. Wallah, c'est un point qui est extrêmement important, car la da'wa des actes est bien plus influente que la da'wa des paroles. Des belles paroles, tout le monde peut en avoir, l'éloquence, beaucoup de gens peuvent en avoir, mais le moment où tu vois vraiment la personne agir, c'est là que tu sais qui tu as affaire, lors des actes et principalement lors des fitnes, lors des troubles, celui qui applique ce qu'il dit et qui est le premier à le faire. Et quand bien même il n'arrivait pas à le faire, il le reconnaît sa faiblesse et la déclare. Et dit, moi, je sais qu'il faut faire ça, je n'y arrive pas, qu'Allah me pardonne, mais au moins il le reconnaît. Il ne devient pas orgueilleux, on ne fait pas preuve de telle bise, de tromperie pour cacher sa faiblesse. Donc l'auteur, il dit, « وَالْمُتَكَلِّمُ مِنْهُمْ يَحُسُّ وَنَّهُ يَبْدَاهُ بِنَفْسِهِ قَبْلَ غَيْرِهِ في وعظه وإرشاده وفي ترغيبه وترهيبه ويجعلون نصب أعينهم قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. Il dit que celui qui parle parmi les prédicateurs de la sunna, et quand on dit prédicateur, c'est pas forcément quelqu'un qui est forcément un enseignant ou un cheikh ou quoi, même un homme quelconque parmi les gens de la sunna qui appellerait quelqu'un d'autre à une chose de l'islam, il a à ce moment-là le rôle d'un prédicateur. Là, on parle du sens général de prédicateur. Car à la base, tout muslim est un prédicateur. Mais chacun selon ses capacités. Car chaque muslim appelle au bien, conseille, interdit le blâmable et ordonne le convenable. Et cela est une darwa, bien évidemment. Donc il dit que celui qui parle, le sunni, lorsqu'il parle, il ressent qu'il doit commencer lui-même par ce qu'il dit. Dans ses exhortations, dans ses directives, dans lorsqu'il donne envie aux gens, lorsqu'il leur fait peur, des choses qui sont mauvaises. Et il met devant ses yeux la parole dans le sens où il dit, est-ce que vous ordonnez aux gens de faire le bien alors que vous oubliez vous-même, alors que vous lisez le livre? N'avez-vous donc pas de raison? Surat al-Baqarah, verset 44. Comme Allah Azzawajal a blâmé les juifs pour cela. Donc le da'i d'Allah fait attention à ce verset-là. Il ne dit pas aux gens, faites, faites, faites, alors qu'il est le premier à transgresser. Wallah musta'an. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. Donc ce qu'il dit, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Et certes, cela est une chose immense auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. As-Saff, verset 2 à 3. ويقول الله تعالى اخبارا شعيب قال يا قومي أرأيت من كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفقي إلا بالله عليه توكل وإليه أنيب. Lorsque Allah Azza wa Jal parle de Shu'aib alayhi salam, lorsqu'il parle à son peuple, dans le sens où il dit: ô mon peuple, voyez-vous donc, si jamais j'étais sur une preuve de mon Seigneur et qu'il m'apporta de lui une subsistance, une bonne subsistance, je ne veux point transgresser ce à quoi je vous appelle, ce plutôt ce que je vous interdis. Ada wa shahim nil aya, que je ne veux point transgresser ce dont je vous interdis. Je ne veux que la réforme autant que je peux, et que mon succès n'a comme qu'à Allah Azza wa Jal. Et celui que je place ma confiance, c'est vers lui que je reviens. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلك أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه ولا وأنهاكم من المنكر وآتيه متفق عليه. سلو سلام بن زيد رضي الله عنه qui dit: j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire qu'on viendra avec l'homme le jour de la résurrection, il sera jeté au feu et qu'il tournera comme tourne l'âne autour du moulin, et les gens du feu se rassembleront autour de lui et diront: ô un tel, que t'arrive-t-il? N'étais-tu pas de ceux qui interdisaient le mal? Plutôt, n'étais-tu pas de ceux qui nous interdisaient de faire du mal et que tu nous ordonnais de faire du bien? Il dit: je vous ordonnais de faire du bien alors que je ne le faisais pas, et je vous interdisais de faire du mal alors que je le faisais. فهذه مصيبة كبيرة. وبوب له النووي عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. Et que même l'imam An-Nawawi, dans le charh de Muslim, il a mis cela en titre: le châtiment de celui qui ordonne au bien qui ne le fait pas, et qui interdit le mal et qui le fait. Donc là, également un point que l'on pourrait apporter à cette même mas'ala, sont ceux qui ordonnent le bien lorsqu'ils trouvent un intérêt pour leur part, que cela leur apporte quelque chose, ou pour leurs amis, d'accord, ou qui interdisent un blâmable lorsque cela va dans leur sens. Mais lorsque cela s'oppose à ce qu'ils veulent, ils se taisent, voire pire, ils transgressent. Cela est pire encore, car cela amène à quoi? À cacher la vérité et à tromper les gens. Des gens qui se servent de la religion, la connaissant pleinement, ils appliquent des règles quand cela coordonne avec leurs intérêts, leurs personnes, leurs amis. Mais lorsque cela s'oppose et pourrait se retourner contre eux, tu les vois transgresser ces mêmes règles qu'ils disaient auparavant contre les autres. Comme قال عز وجل: ويل للمطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون. Malheur aux fraudeurs, ceux qui, lorsqu'ils on leur pèse pour eux, ils demandent la pleine valeur. Lorsqu'ils vont pour les autres, tu les vois tricher, dans le sens: donnez-moi. Quand c'est pour eux, ils réclament, et quand c'est pour les autres, d'accord, ils donnent moins. Donc le da'i d'Allah, le sunni, fait très attention à ce point-là. Qu'il commence par lui-même. Et qu'il sache que c'est les actes que les gens l'observent, et que de ses ennemis le guettent également. Donc il fait attention à cela, il commence par lui-même. Déjà, pour Allah Azza wa Jal. Pour lui-même, pour sa propre maslaha, yom la qiyama. Car il s'est interrogé. Et également, pour la maslaha des autres. Naam. Fahaza lazi akhazna al-an. Min mas'ala. Comme point, que le da'i salafi, sunni, commence par sa propre personne. Et cela, bien évidemment, en vue d'être crédible dans sa da'wa. Car celui qui parle et qui n'agit pas, les gens vont dire: toi tu parles, mais tu n'es pas crédible dans ce que tu fais et tu n'es pas convaincant. Wallahu al-musta'an. Falhamdulillah rabbil alamin.